posé ma main sur sa cuisse et la glisser pour que je puisse faire ses lacets pour qu'elle puisse marcher sans se casser les dents. Je prends les devants et j'esquisse un sourire avec dents de devant. Si elle croit que je suis novice, ce sera peine perdue à l'instant. Si l'allemand nommait à l'amande, je saurai toujours quoi faire. Faut que j'écoute ce qu'elle demande. Je saurai toujours quoi faire. Si l'allemand nommait à l'amande, je saurai toujours quoi faire. Faut que j'écoute ce qu'elle demande. Je saurai toujours quoi faire. C'est pas du langage courant. Alors, Eins, zwei, drei, ich liebe. Ouais, pff, bon, ça fout, putain. L'allemand me met à l'amende. Je saurai toujours quoi faire. S'il faut que j'écoute ce qu'elle demande. Je saurai toujours quoi faire. Si l'allemand me met à l'amende. Je saurai toujours quoi faire. S'il faut que j'écoute ce qu'elle demande. Je saurai toujours quoi faire. Sur coup de langue, cher. On s'amuse à coller des teintes, cher. Et coup de rein sur coup de rein, cher. On porte des trucs super lourds et en plus ça me nique le dos, putain. Si l'allemand me met à l'amende, je saurai toujours quoi faire. S'il faut que j'écoute ce qu'elle demande, je saurai toujours quoi faire. Si l'allemand me met à l'amende, je saurai toujours quoi faire. S'il faut que j'écoute ce qu'elle demande, je saurai. Message reçu mardi 30 juin à 17h15. Salut Chirac, j'ai voulu demander ce que tu fais ce soir. Je suis à l'agronomie un moment et je vais rester encore un peu. Et voilà, je t'ai envie de faire quelque chose, appelez-moi. Ciao. Pour rappeler votre correspondant, faites le 4.